Demain, c'est l'anniversaire de Marion. Qu'est-ce que je fais comme dessert? Une salade de fruits? Non, un gâteau au chocolat. Elle adore ça. Avec 20 bougies. Oui, bien sûr. Et comme plat? Je fais du poisson ou de la viande? De la viande. Un beau gigot, par exemple. Oui, un gigot, c'est parfait. Avec quoi? Avec des frites. Beaucoup de frites. Tout le monde aime ça. Et une bonne bouteille. 20 ans, ça s'arrose.